Madame du Châtelet, correspondance inédite par Madame Louise Collet, enregistrée par Christiane Jehan pour audiocité.net. Madame du Châtelet, lettres inédites au maréchal de Richelieu et à Saint-Lambert. On s'est beaucoup occupé de Voltaire dans ces derniers temps, et après tant d'attaques violentes et de jugements passionnés, c'était justice de revenir à ce grand homme avec impartialité, ou plutôt avec reconnaissance. Voltaire a été le hardi fondateur de cet esprit de tolérance politique et religieuse que, malgré quelques essais infructueux en sens contraire, la génération actuelle tient à l'honneur de maintenir. Voltaire fut le représentant de tout un siècle. Monsieur de Chateaubriand l'a dit, Voltaire est à lui seul toute l'histoire de France de son temps. Nous n'avons point à rappeler ici ce qu'a fait pour la France et pour le monde ce bienfaisant génie à qui Paris doit encore une statue auprès de celle de Molière. Nous entreprenons une tâche plus humble. Il y a, presque toujours dans la vie des grands hommes, une attrayante figure de femme dont les biographes attachés à la principale figure dédaignent de s'occuper ou qu'ils ne nous rendent qu'imparfaitement. N'est-ce pas aux femmes qui tiennent une plume de revendiquer ces touchantes et nobles mémoires trop souvent méconnues par la postérité? Les femmes sont un peu traitées par les historiens et par les moralistes comme on traite les nations vaincues, c'est-à-dire que leur personnalité s'efface, disparaît, ou tout au moins se confond dans celle de l'homme qui les a dominées. Ce qu'elles eurent d'originalité, de grandeur et quelquefois de génie, ne leur est reconnu que comme un reflet de l'esprit de l'homme célèbre qu'elles ont aimé. C'eût été pourtant, même sans le prestige de la renommée de Voltaire, une femme vraiment supérieure par le cœur et par l'esprit qu'Émilie Gabrielle, marquise du Châtelet, née à Paris en 1706. Elle était fille du baron de Breteuil, introducteur des ambassadeurs. Douée d'une vive intelligence, elle apprit dès son enfance et comme en se jouant, l'italien et le latin. Elle avait commencé à 15 ans une traduction de Virgile, et les fragments qui restent de cette étude prouvent combien elle avait dès lors le sentiment des beautés de l'original. Ce jeune esprit s'exerçait aussi à faire des observations grammaticales et littéraires sur les grands écrivains du règne de Louis XIV, et c'est ainsi que se forma ce goût d'une exquise délicatesse qui fut plus tard si salutaire au génie de Voltaire. À ses fortes études, l'éducation du temps, comme celle de nos jours, enjoignait de moins sévère. La jeune Émilie avait une voix charmante, elle apprit la musique, la déclamation, la danse, l'équitation, elle apprit même le jeu, car c'était alors un des plus vifs amusements du monde, et les jeunes femmes se le permettaient aussitôt après leur mariage. Voltaire aperçut quelquefois l'aimable et studieuse enfant chez son père, puis il la perdit de vue et ne la retrouva qu'en 1733. Elle fut mariée à 19 ans au marquis du Châtelet-Laumont, lieutenant général des armées du roi et d'une des plus anciennes maisons de Lorraine. Le contrat fut passé à Versailles le 4 juin 1725 devant Louis XV et la famille royale. La jeune femme fit son entrée dans le monde à une époque où débordait la licence, et sans s'abandonner au torrent comme tant d'autres, elle ne sut pas s'y dérober entièrement. Ce fut dans ces années d'entraînement et d'inexpérience qu'elle rencontra ce brillant maréchal de Richelieu, cet homme extraordinaire qui, à 20 ans, avait été 2 fois à la Bastille pour la témérité de ses galanteries, qui par l'éclat et le nombre de ses aventures avait fait naître parmi les femmes une espèce de mode et presque regardé comme un honneur d'être déshonorée par lui. Madame du Châtelet eut la faiblesse d'aimer le maréchal de Richelieu, alors jeune, charmant, dans la fleur de la galanterie. Elle mit tout son cœur dans cette liaison passagère comme elle le mettait dans chaque sentiment qu'elle éprouvait. Elle souffrit beaucoup de la légèreté du brillant séducteur. Il lui retira dignement son amour en le forçant à garder pour elle une amitié et une estime qu'il accordait rarement aux femmes dont il avait été aimé. Elle continua d'entretenir avec le maréchal un commerce de lettres dont quelques-unes sont parvenues jusqu'à nous. Il est curieux d'y voir la transformation d'une tendresse orageuse en une sereine amitié. Quand le duc de Richelieu se maria à la princesse de Guise, Madame du Châtelet devint l'amie de sa jeune femme. Elle lui inspira le goût des sciences. Souvent, durant ses voyages à Paris, elle logeait à l'hôtel de Richelieu. Voltaire était lié avec le maréchal. Il avait même contribué à son mariage et grâce à un philosophique oubli du passé, il se forma entre ces quatre personnes une amitié sincère et pleine d'agréments. Qui l'aurait jamais cru, écrivait Madame du Châtelet au maréchal après une maladie, qu'entre Madame de Richelieu, Voltaire et vous, l'amitié eût pu me faire regretter. À peine l'espérais-je de l'amour. On n'est heureux que par ces deux sentiments. J'avoue qu'ils font le bonheur de ma vie et que je ne demanderais aux dieux, s'il y en a, que de passer ma vie dans cette partie carrée où il serait également doux d'être le tiers et le quart. Je crois que je vaux réellement quelque chose depuis que je commence à croire que vous avez pour moi une amitié solide. Vous connaissez mon cœur et vous savez combien il est vraiment occupé de Voltaire. Je m'applaudis d'aimer en vous l'ami de mon amant. Ce sentiment ajouterait encore à la douceur que je trouve dans votre amitié si je ne l'avais pas empoisonnée. Je ne me pardonne point d'avoir eu pour vous des sentiments passagers, quelque légers qu'ils aient été. Assurément, le caractère de mon amitié doit réparer cette faute. Et si c'est à elle que je dois la vôtre, je dirai malgré tous mes remords, ô Félix culpa. On le voit dans cette lettre une singulière légèreté de ton, inspirée sans doute par le souvenir de l'homme, se mêle à des réflexions sérieuses. Une autre fois, elle lui écrivait d'un accent plus ému « Je n'aurais jamais dû vous dire ce que je vous ai avoué, mais je n'ai pu me refuser la douceur de vous faire voir que je vous ai toujours rendu justice et que j'ai toujours senti tout ce que vous valez. L'amitié d'un cœur comme le vôtre me paraît le plus beau présent du ciel et je ne me consolerais jamais si je n'étais sûr que vous ne pouvez, malgré toutes vos résolutions, vous empêcher d'en avoir pour moi. Au milieu du sentiment vif qui emporte mon âme et qui fait disparaître le reste à mes yeux, je sens que vous êtes une exception à cet abandonnement de moi-même et de tout autre attachement. J'ai tout quitté pour vivre avec la seule personne qui ait jamais pu remplir mon cœur et mon esprit, mais je quitterai tout dans l'univers, hors elle, pour jouir avec vous des douceurs de l'amitié. Ces deux sentiments ne sont point incompatibles, puisque mon cœur les rassemble sans avoir de reproche à se faire. Je n'ai jamais eu de véritable passion que pour ce qui fait à présent le charme et le tourment de ma vie, mon bien et mon mal. Mais je n'ai jamais eu de véritable amitié que pour Madame de Richelieu et pour vous. J'ai conservé ce sentiment si cher à mon cœur, au milieu de la plus grande ivresse, et je le conserverai toute ma vie. » Puis, dans un moment où Voltaire est poursuivi, elle écrit au maréchal « On passe sa vie avec des vipères envieuses. C'est bien la peine de vivre et d'être jeune. Je voudrais avoir 50 ans et être dans une campagne avec mon malheureux ami, Madame de Richelieu et vous. Hélas, on passe sa vie à faire le projet d'être heureux et on ne l'exécute jamais. » Madame du Châtelet était grande, svelte et brune. Nous avons vu un fort beau pastel qui la représentait à 20 ans, dans ce moment de première jeunesse dissipée. Le jour où l'artiste a tracé pour la postérité cette vivante image, la marquise portait une agaçante robe bleue pomponnée de blanc. Ses cheveux légèrement poudrés faisaient paraître plus éclatant encore son grand œil noir qui rayonnait sous un épais sourcil. Sa bouche expressive souriait, sa taille souple et fine s'épanouissait dans un corsage de soie, telle elle était alors, telle elle fut, jusqu'à la fin de sa vie si courte, car sa beauté consistait surtout dans une vive physionomie, mélange de force et de grâce qui, à 40 ans comme à 20, était encore jeune et séduisante. Les fêtes de la cour où sa naissance l'appelait et où elle brillait par la distinction de son esprit, les plaisirs variés de cette brillante société du XVIIIe siècle, ne suffisaient pas cependant à remplir la vie de la jeune femme. Quelquefois, elle se dérobait au monde pour revenir à l'étude. Elle avait eu 3 enfants dans les premières années de son mariage, une fille et 2 fils. Elle eut le malheur de perdre un de ses fils, et dans son affliction, elle songea à former l'intelligence de celui qui lui restait au contact de la sienne. Nous la verrons plus tard adresser à ce fils un livre composé durant des veilles laborieuses qui formait un piquant contraste avec d'autres veilles consacrées au plaisir. Du reste, tous les êtres d'élite de cette époque furent ainsi. Ils recherchèrent ardemment le plaisir, mais le plaisir ne les satisfaisant pas, ils se rejetaient sur les sciences. Ils étaient avides de tout ce que peut connaître et sentir l'âme humaine et se purifiaient pour ainsi dire en éclairant leur raison. C'est au moment de ce retour à des goûts sérieux que Voltaire retrouva Madame du Châtelet. Ils devaient être naturellement charmés l'un par l'autre. Tous deux réunissaient dans un mélange parfait le frivole et le sérieux, l'esprit et la raison de leur siècle et par exception le sentiment. Par les grâces et la souplesse de son esprit, Voltaire était du monde de la marquise, et par l'étendue de son génie, il répondait aux instincts jusqu'alors comprimés de cette vive intelligence. Il parvint facilement à se faire aimer, et durant 14 ans, il fut tout pour Madame du Châtelet. Les premières traces de leur relation naissante se trouvent dans la correspondance de Voltaire à la date du 3 juin 1733. Madame du Châtelet avait alors 27 ans. Voltaire écrit de Paris à son ami de Citteville. Hier, étant à la campagne, n'ayant ni tragédie ni opéra dans la tête, pendant que la bonne compagnie jouait aux cartes, je commençais une épître en vers dédiée à une femme très aimable et très calomniée. L'épître sur la calomnie dont il est ici question fut adressée à Madame du Châtelet avant le départ de Voltaire pour Londres. Ce n'est qu'après ce voyage qu'ils se lièrent intimement. À son retour, Voltaire esquisse encore à M. de Citteville quelques traits de l'image aimée. Elle a l'imagination, toujours vive et toujours fleurie. Elle a, je vous jure, un génie digne d'Horace et de Newton, et n'en passe pas moins sa vie avec le monde qui l'ennuie et des banquiers de Pharaon. Dans l'épître à Uranie, la muse de Voltaire rencontre quelques accents de véritable passion. « Je vous adore, ô ma chère Uranie. Pourquoi si tard m'avez-vous enflammée? Qu'ai-je donc fait des beaux jours de ma vie? Ils sont perdus, je n'avais point aimé. J'avais cherché dans l'erreur du bel âge ce dieu d'amour, ce dieu de mes désirs. Je n'en trouvais qu'une trompeuse image, je n'embrassais que l'ombre des plaisirs. » Madame du Châtelet avait pour amie la duchesse de Saint-Pierre, et parfois elles allaient ensemble surprendre le poète dans le modeste appartement qu'il occupait alors vis-à-vis de Saint-Gervais. Le duc de Forcalquier, amant de la duchesse de Saint-Pierre, accompagnait les deux jeunes femmes. On enlevait Voltaire à son travail et on lui demandait à souper. C'était l'amour du temps, intrigue à demi cachée, galanterie frivole mêlée de petits vers et de bonne chère. Mais dans Madame du Châtelet et dans Voltaire, l'amour devait avoir un côté plus sérieux. Le goût réciproque de l'étude fortifiait en eux le sentiment. La vie de Paris les fatigua bientôt. Dès le commencement de 1734, ils se retirèrent ensemble à Montjeu, près d'Autun. C'est là que Madame du Châtelet commence à lire Locke et à traduire Newton. Elle prend des leçons de Maupertuis à qui elle écrit « Ce n'est pas pour moi que je veux devenir géomètre, c'est par amour-propre pour vous. Je sens qu'il ne m'est pas permis à quelqu'un qui vous a pour maître de faire des progrès si médiocres, et je ne puis vous dire à quel point j'en suis honteuse. » Plus loin, « Je sens, dit-elle, combien je perdrais si je ne profitais pas de la bonté que vous avez de vouloir bien condescendre à ma faiblesse et m'apprendre des vérités si sublimes, presque, en badinant. » J'aurai toujours par-dessus vous l'avantage d'avoir étudié avec le plus profond et en même temps le plus aimable mathématicien du monde. Ainsi, elle mêlait l'étude aux sentiments et aux plaisirs, et Voltaire, sous le charme de l'amour qu'elle lui inspirait, lui adressait alors ses vers « Contre les philosophes sur le souverain bien, l'esprit sublime et la délicatesse, l'oubli charmant de sa propre beauté, l'amitié tendre et l'amour emporté, sont les attraits de ma belle maîtresse. Vieux rêvasseur, vous qui ne sentez rien, vous qui cherchez dans la philosophie l'être suprême et le souverain bien, ne cherchez plus, ils sont dans Uranie. C'est au milieu de ces enchantements de l'amour que la publication des lettres philosophiques obligea Voltaire de s'éloigner de Paris pour échapper à la persécution. Il partit pour la Champagne et se retira au château de Cirey, propriété du marquis du Châtelet, depuis longtemps inhabité. Durant cette première et courte séparation, la correspondance des deux amants fut fort active. Après quelques arrangements d'affaires de famille et de société, Madame du Châtelet alla rejoindre Voltaire à Cirey. Entre deux coteaux, dans le département de la Haute-Marne, se cache le riant village de Cirey, bâti sur la lisière d'un bois. La Blaise, petite rivière, l'arrose en courant et baigne de nombreuses prairies. Les Templiers possédaient à Cirey une commanderie dont il reste encore quelques vestiges. Après la condamnation des Templiers par Philippe le Bel, le duc de Lorraine, pour obéir au pape, leur enleva leurs biens de Cirey qu'il réunit au domaine de Ferry d'Enfer ou du Diable, son frère et son vassal, et laissa seulement ceux qu'il avait dépossédés vivre et mourir sur leurs anciennes terres. Pour protéger son domaine ainsi augmenté, Ferry fit construire en 1220, à Cirey même, un petit château fort ou chastelet, parfaitement gardé et armé, puis il ajouta à ses autres titres celui de seigneur du Chastelet. Telle est l'origine de la famille du Châtelet. Depuis ce moment, elle ne cessa de s'allier aux premières maisons de l'Europe. Les bâtiments du château de Cirey sont gracieusement groupés sur le penchant d'une des collines boisées, au pied desquelles serpente la jolie rivière où se baignaient de beaux cygnes. Ces bâtiments se divisent en deux parties. Les constructions féodales et gothiques, désignées sous le nom de vieux châteaux et servant de commun, et le château neuf, élevé sous la régence, vaste et simple maison à l'anglaise, meublée et embellie avec amour par Voltaire et Madame du Châtelet, le site de Cirey est ravissant. Au-dessus du château, de grands arbres s'échelonnent jusqu'au sommet le plus élevé de la colline, couronné par une chapelle qui sort d'un bouquet de pins. C'est là que Voltaire allait parfois à la messe, pratiquant à l'avance ce que Béranger a dit plus tard « on peut aller même à la messe ». La vallée de Cirey est une des plus pittoresques et des plus riches de la Champagne. La Blaise y arrose dans son cours des vergers, de grands prés, de nombreuses fabriques. Puis, à l'horizon qui borne la vallée, d'autres villages se groupent sur les coteaux, et de grands bois projettent leur sombre verdure sur le fond du ciel. C'est dans ces bois qu'on courait les chevreuils que Madame du Châtelet envoyait aux deux anges. C'est dans ces bois que Voltaire chassait. « J'ai besoin de faire de grands exercices, écrivait-il à l'abbé Moussineau. Je vous prie de me faire acheter un bon fusil, une jolie gibecière avec appartenance, marteau d'armes, tire-bourre, etc. » Et tandis qu'il passait à travers les forêts dans cet équipement, Madame du Châtelet le suivait, svelte et gracieuse, montée sur sa jument, l'hirondelle. L'intérieur du château de Cirey était une grande magnificence. C'était ce luxe intelligent et exquis que les artistes et les poètes seuls savent se donner quand ils ont pour eux la fortune. Le président Hénault s'arrête un jour à Cirey en allant à Plombières et il écrit au comte d'Argenson « J'ai passé par Cirey. C'est une chose rare. Ils sont là tous deux, seuls, comblés de plaisir. L'un fait des vers de son côté et l'autre des triangles. La maison est d'une architecture romanesque et d'une magnificence qui surprend. Voltaire a un appartement terminé par une galerie qui ressemble à ce tableau que vous avez vu de l'école d'Athènes, où sont rassemblés des instruments de tous les genres, mathématiques, chimiques, physiques, astronomiques, etc. Et tout cela est accompagné d'anciens lacs, de tableaux, de porcelaines de Saxe, etc. Enfin, je vous dis que l'on croit rêver. Voltaire avait fait graver, au-dessus de la porte de la galerie dont parle le président, « Asile des beaux-arts, solitude où mon cœur est toujours occupé, dans une paix profonde, c'est vous qui donnez le bonheur que promettait en vain le monde. » Et sur la porte du belvédère où travaillait Madame du Châtelet, on lisait « Du repos, une douce étude, peu de livres, point d'ennuyeux, un ami dans la solitude, voilà mon sort, il est heureux. » L'amour avait sa statue dans cette riante demeure, et c'est au pied de cette statue qu'étaient gravés ces deux vers célèbres, qui que tu sois, voici ton maître, il l'est, le fut ou le doit être. » On le voit, rien ne manquait au bonheur des deux amants. Le cadre était digne de l'intéressant tableau qu'offrait l'intimité de ces deux natures d'élite. Madame du Châtelet était venue rejoindre Voltaire à Cirey. Son mari s'était prêté à cet arrangement et avait même présidé à l'installation du poète. C'était dans le goût du temps. Chaque grand seigneur patronnait un homme de lettres. Avoir chez soi le premier d'entre tous fut une satisfaction de maître de maison à laquelle la vanité du marquis du Châtelet ne résista pas. Tantôt à la cour, tantôt à son régiment, rarement chez lui, c'était là un seigneur et maître peu gênant, et pour lequel on avait d'ailleurs de grands égards. Le plus parfait décorum présidait à cette liaison de Voltaire avec la marquise. Dans le monde, Émilie n'était pour le poète que la divine Émilie, une muse, une déesse, un prodige de savoir et d'esprit. On substituait l'admiration à l'amour, on désavouait en public les vers à Uranie un peu trop tendres et significatifs. Les d'Argental seuls étaient dans la confidence. Mais tandis que ce beau château abritait cette double vie studieuse et tendre, Voltaire, menacé d'être arrêté par suite de la publication de ses lettres philosophiques, fut obligé de quitter tout à coup Cirey. Il s'enfuit en Hollande au milieu de l'hiver. Écoutons Madame du Châtelet confier sa douleur et son inquiétude à son ami le comte d'Argental. Ici, l'amour se montrera tel qu'il est d'ordinaire dans le cœur de la femme, sans autre préoccupation que celle de l'objet aimé. Dans cette correspondance qui se continue jusqu'en 1748 et que nous prendrons souvent plaisir à citer, l'âme de Madame du Châtelet se fait voir tout entière, ardente, dévouée, délicate, s'oubliant elle-même pour s'occuper constamment de Voltaire, de sa gloire, de ses intérêts, lui sacrifiant avec joie son temps, son esprit et sa fortune, jusqu'à ce que, le cœur froissé par ce brillant égoïsme, elle essaie de retrouver l'amour qui ne peut plus lui inspirer, dans un autre cœur plus jeune, tentative orageuse et vaine, dont elle mourut. Madame du Châtelet, inconsolable du départ de Voltaire qu'elle aime alors avec toute la vivacité des premiers temps de l'amour, écrit au comte d'Argental en décembre 1734.